إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. Nous sommes maintenant au cours numéro 17 du recueil de livres qui s'appelle Al-Wajibatul Mutahattimatul Ma'rifata ala kulli muslimin wa muslimah. Les obligations qui incombent à chaque musulman et musulmane de connaître. Et nous sommes toujours dans l'introduction de cet épître qui s'appelle Nawaqidul Islam, les annulations de l'islam. Et au dernier cours, donc, nous avons fini par cette parole de l'imam An-Nawawi, rahimahullah, qui était à Shafi'i, du mazhab Shafi'i. Il a dit ceci dans son livre Ar-Rawda, qui est un livre de fiqh, qui est une référence dans le fiqh, pas seulement dans le fiqh, Shafi'i, dans le fiqh. Fikitab Ridda dans au chapitre de l'apostasie, car dans tout bon livre de fiqh, il y a un chapitre de l'apostasie, comme il y a un chapitre pour le mariage, il y a un chapitre pour le djihad, il y a un chapitre pour la prière, etc. Et il a dit ceci en donnant la définition de Ridda, l'apostasie, qui est, comme il a dit, Wahiya qat'ul islam, et c'est le fait de couper l'islam, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une personne qui est musulman et qui est devenu mécréant après être musulman. Comme certains autres savants disent, c'est la mécréance après l'islam. C'est ça l'apostasie. Et ensuite, l'imam an-Nawawi, rahimahullah, a dit, et ceci se produit. Donc cette apostasie se produit par quoi? Une fois par la parole, qui est donc une mécréance, et une autre fois par l'acte. Point. Fin de citation. Donc il a bien dit que l'apostasie, donc la mécréance, va se concrétiser par une de deux choses, pas trois. Soit une parole qui émane d'un musulman, ou soit un acte qui émane d'un musulman, et cette parole ou cet acte est une mécréance majeure, Kufr Akbar, qui le fait sortir de l'islam, et donc il devient mécréant, kafir, il n'est plus musulman. Et les murtad, donc kafir, murtad, mécréant, apostat. Alors, on a, donc l'imam an-Nawawi, rahmallah, on a, lam yadhkur il-i'tiqad, il n'a pas cité ici la croyance, et le cœur. Pourquoi? Lianhu amun ghaibun, parce que c'est une affaire qui est invisible pour nous, ghaibun, d'accord? Qui est absente, on ne peut pas savoir ce qu'il y a dans le cœur, nous on ne peut que juger les gens sur ce qu'ils disent ou ce qu'ils font, d'accord? Pas ce qu'il y a dans leur cœur. Certes, leurs paroles, leur langue vont prétendre de dire ce qu'il y a dans leur cœur, d'accord? Mais c'est par leurs paroles que nous allons juger, d'accord? La chose concrète de leur cœur, Allah Azza wa Jal seul le sait. Nous avons que pour nous quoi? Que avahir, donc l'apparent, la chose apparente, ce qui apparaît des gens, et c'est soit une parole ou un acte, et Allah se charge des choses qui sont secrètes, donc de ce qu'il y a dans le cœur. Comme on avait dit le dernier cours, il n'y a pas de problème à dire que la mécréance se cause